Chapitre 1. De la part de Paul, qui par la volonté de Dieu est apôtre de Jésus-Christ, et de la part de Timothée, notre frère. Aux membres du peuple de Dieu qui vivent à Colosse et qui sont nos fidèles frères en Christ, que Dieu notre Père vous donne la grâce et la paix. Nous remercions toujours Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, quand nous prions pour vous. En effet, nous avons entendu parler de votre foi en Jésus-Christ et de l'amour que vous avez pour tous les membres du peuple de Dieu. Quand le message de la vérité, la bonne nouvelle, est parvenu pour la première fois chez vous, on vous a fait connaître l'espérance qu'il offre. Ainsi, votre foi et votre amour sont fondés sur ce que vous espérez, qui vous est réservé dans les cieux. La bonne nouvelle se répand et apporte ses bénédictions dans le monde entier, tout comme elle l'a fait parmi vous depuis le jour où, pour la première fois, vous avez entendu parler de la grâce de Dieu et avez appris à connaître ce qu'elle est véritablement. C'est Épaphras, notre cher compagnon de service, qui vous a enseigné cela. Il travaille de notre part comme un fidèle serviteur du Christ. Il nous a informé de l'amour que l'Esprit vous a donné. C'est pourquoi nous ne cessons pas de prier pour vous depuis le jour où nous avons entendu parler de vous. Nous demandons à Dieu de vous remplir de la connaissance de sa volonté en vous accordant toute la sagesse et l'intelligence que donne son esprit. Ainsi, vous pourrez vous conduire comme le Seigneur le veut et faire toujours ce qui lui plaît. Vous produirez toutes sortes d'œuvres bonnes et progresserez dans votre connaissance de Dieu. Nous demandons à Dieu que vous soyez pleinement fortifiés par sa puissance glorieuse afin que vous puissiez tout supporter avec patience. Remerciez avec joie le Père qui vous a rendu capable d'avoir part au bien que Dieu réserve dans le royaume de lumière pour ceux qui lui appartiennent. Il nous a en effet arrachés à la puissance de l'obscurité et nous a fait passer dans le royaume de son Fils bien-aimé, grâce auquel nous sommes délivrés et nos péchés sont pardonnés. Le Christ est l'image visible du Dieu invisible. Il est le Fils premier-né, supérieur à tout ce qui a été créé. Car c'est par lui que Dieu a tout créé dans les cieux et sur la terre, ce qui est visible et ce qui est invisible, les puissances spirituelles, les dominations, les autorités et les pouvoirs. Dieu a tout créé par lui et pour lui. Il existait avant toute chose, et dans leur relation avec lui, toutes les parties de la création sont maintenues à leur place. Il est la tête du corps que constitue l'Église. C'est en lui que commence la vie nouvelle. Il est le Fils premier-né, le premier à avoir été ramené de la mort à la vie, afin d'avoir en tout le premier rang. Car Dieu a décidé d'être pleinement présent en son Fils. De même, il a décidé de réconcilier l'univers entier avec lui par le Fils. Dieu a établi la paix par la mort de son Fils sur la croix, et ainsi, il a réconcilié toutes choses avec lui, soit sur la terre, soit dans les cieux. Vous aussi, vous étiez autrefois loin de Dieu, vous étiez ses ennemis à cause de tout le mal que vous pensiez et commettiez. Mais maintenant, par la mort que son Fils a subie dans son corps humain, Dieu vous a réconcilié avec lui afin de vous faire paraître devant lui saint, pur et sans faute. Cependant, il faut que vous demeuriez dans la foi, fermement établie sur de solides fondations, sans vous laisser écarter de l'espérance qui est la vôtre depuis que vous avez entendu la bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle est celle qui a été annoncée à tout homme dans le monde, et celle dont moi, Paul, je suis devenu le serviteur. Maintenant, je me réjouis des souffrances que j'éprouve pour vous, car par mes souffrances physiques, j'aide à compléter ce qui manque encore aux souffrances du Christ pour son corps, qui est l'Église. Je suis devenu serviteur de l'Église, conformément à la tâche que Dieu m'a chargé d'accomplir pour vous. Il m'a chargé d'annoncer pleinement son message, c'est-à-dire le secret qu'il a tenu caché depuis toujours à toute l'humanité, mais qu'il a révélé maintenant à ceux qui lui appartiennent. Car Dieu a voulu leur faire connaître le plan secret, si riche et si magnifique, qui est le sien en faveur de tous les peuples. Et voici ce secret. Le Christ est en vous, et il vous donne l'assurance que vous aurez part à la gloire de Dieu. Ainsi, nous annonçons le Christ à tout homme. Nous avertissons et instruisons chacun avec toute la sagesse possible afin de faire paraître chacun devant Dieu comme un être adulte dans l'union avec le Christ. Pour réaliser cette tâche, je travaille et lutte avec la force puissante que donne le Christ, cette force qui agit en moi.